hypnotisée par ce chat. De son regard noir avec son masque de chat incas, ses griffes se font tendre sur moi, mais son regard reste froid. Au-dessus.